Audiomatic. C'est le projet Who Run de l'artiste allemand Stefan Schroeder, avec qui nous entamions la transmission 105 d'Audiomatic. La pièce que nous écoutions, soit Impulsion, se retrouve sur la toute nouvelle compilation Frequencies of the Mind Volume 3 de l'étiquette de disque Mind Trick Records. Bienvenue à cette autre transmission d'Audiomatic, toujours animée par les électronistes qui, semaine après semaine, tentent de vous présenter une offre musicale variée et imprévisible. Pour en savoir et en entendre davantage, nous vous convions à visiter nos profils facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Sans plus s'attarder, nous vous souhaitons une bonne émission.

Cette séquence audiomatique se terminait avec l'artiste finlandais basé en Allemagne, Kiki, qui nous interprétait la pièce Intimacy de son album Run With Me. Précédemment à Kiki, nous avions droit à un extrait du nouvel album de Justin Vernon, mieux connu sous son pseudonyme Bon Iver. De son troisième album, 22 A Million, nous entendions la chanson 33 God. Nous vous invitons à lire la critique qu'a fait Numera de ce dernier album de Bon Iver. Vous trouverez le lien en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Et pour débuter, il s'agissait du projet suisse Silène Luft et la chanson « Mes amis » de son quatrième album « The Way We Go » paru en 2004. Le prochain groupe que nous entendrons n'a besoin d'aucune introduction. Voici Radiohead. Thank you.

précédemment au trou publicitaire. Il s'agissait du projet Square Pusher, de qui nous écoutions la pièce The Exploding Psychology, qui se retrouve sur son album Go Plastic, paru en 2001. Avant Square Pusher, il s'agissait du projet parallèle FX de l'artiste Richard David James, mieux connu pour son autre projet FX Twin. La pièce que nous avons entendue, soit Custodian Discount, paraît sur le CD Hangable Autobulb, qui regroupe les pièces des deux 12 pouces Hangable Autobulb 1 and 2, parues respectivement en 1995 et 1997. Et c'est Radiohead qui amorçait la séquence musicale avec la pièce très électro Where Bluebirds Fly, qui paraît sur le single There There de l'album Hail to the Thief. Sachez qu'à l'extérieur de la plage horaire dédiée à Audiomatique, nous restons toujours les électronistes et nous sommes joignables en tout temps par l'entremise de notre adresse électronique audiomatique cfou@commercial.gmail.com. Ceci étant dit, c'est au tour du projet Puff Dragon d'assurer la continuité musicale, bien sûr, à Audiomatique. Reality. Perception. Reality. today and you weren't there to play, then I wanted to be with you. When you showed me your eyes, whispered love disguise, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. When I lay still at night, seeing stars high and light, then I wanted to be with you. When the rooftop shone dark, all alone saw a spark, spark of love just to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. If I mention your name, turn around on a chain, then the sky opens out for you. When we grew very tall, when I saw you so small, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me, to me, to me, to me. C'est avec tristesse que nous apprenions la semaine dernière la mort de la chanteuse Caroline Crawley. En sa mémoire et pour perpétuer ce sentiment d'éternité propre aux artistes qui persistent à travers leurs œuvres, nous vous avons présenté la chanson « Late Night » du collectif « This Mortal Coil » chantée par Feu Caroline Crawley. Cette très belle reprise d'une chanson de Syd Barrett se retrouve sur le troisième et dernier album de This Mortal Coil intitulé Blood. Tout juste avant This Mortal Coil, nous vous présentions le projet américain Gridlock et sa composition Scratch de son dernier album Formless, lancé en 2003. Et pour ouvrir ce bloc musical à Audiomatique, c'était le projet d'origine galloise mais basé au Japon, Puff Dragon, avec sa composition Chinese Radio, que l'on peut retrouver entre autres sur la compilation Fahrenheit Project Part 4. Matanji Arul Pragasam, qui incarne le projet MIA, vient de nous livrer AIM, son plus récent album très politisé, mais qui parfois laisse une impression un peu brouillon dans la composition. Néanmoins, les électronistes saluent cet artiste qui sait mélanger les genres électro, pop et hip-hop avec un côté expérimental assumé qui ne plaît pas toujours à une certaine critique voulant que soient réitérés constamment les standards dans l'art musical. Bref, c'est avec la pièce Swords que nous terminerons cette transmission 105. Les électronistes qui sont à chaque fois honorés de vous présenter les transmissions d'Audiomatique vous remercie de les suivre dans leur itinéraire musical. Nous vous invitons à consulter nos profils facebook.com/audiomatique CFOU et mixcloud.com/audiomatique pour entendre ou réentendre nos émissions en balado-diffusion. Et c'est avec un enthousiasme renouvelé que nous serons de retour sur les ondes de C'est fou, mercredi prochain, dès 17h, pour vous présenter la transmission 106 d'Audiomatique. Voici M.I.A. et Swords de son nouvel album AIM. Bonne écoute et bonne semaine. Say holla, holla, holla. We hold the world. Say holla, holla, holla.